Déjà une question, ça commence bien. Du monde intéressé. C'est pas un retardement, effectivement. Eh bien, comprendre l'intelligence de la souffrance. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ça? Quand j'ai lu ça, j'ai dit le bouquet. Qui parmi nous pense vraiment que la souffrance est intelligente? Ah, du moins, en courte vue, on peut penser que c'est ça. Qui parmi nous sommes intéressés de souffrir par obligation ou non? Y a-t-il du monde qui lève leur main? En constatant que l'on souffre souvent et beaucoup, un peu trop à notre goût, on finit par croire qu'on est en est condamné de souffrir absolument pour s'améliorer. Et puis, on commence à un moment donné à en avoir ras-le-bol de souffrir pour s'améliorer. C'est toujours à recommencer, hein? Vous savez ça? Pourquoi devrions-nous souffrir? C'est une question que je me suis posée. Sommes-nous obligés ou condamnés à souffrir? Pour qui on souffre? Ou pourquoi? On va inviter Daniel Kemp à nous expliquer ça. Comme seul, il est capable de le faire avec une toute autre dimension que l'on connaisse, que ce soit du côté médical ou autre. Alors, cette intelligence de la souffrance, Daniel va nous expliquer ça tout autrement. Invitons-le. Ah non, c'est encore la... Il vient de mémoire qui se trimballe. Bon, vas-y, la technologie, c'est traumatisant pour l'ego. Parfait. On va laisser les vieilles cochonneries, puis on va se brancher sur quelque chose de neuf. Intelligence de la souffrance. Je me suis posé la question cette semaine à quoi ça servait, puis j'ai eu aucune réponse. Alors, j'ai constaté qu'effectivement, poser des questions, ça n'amenait pas toujours les réponses. Par contre, si on veut parler de la souffrance et de l'intelligence, eh bien ça, on peut le faire. Si on ne pose pas de questions. Parce que si on pose la question à quoi sert la souffrance, nécessairement, c'est ce qui a créé la souffrance qui va nous répondre. L'être humain est manipulé, l'être humain est assujetti, l'être humain est paramétré par des choses, des conditions, ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Et lorsque l'être humain pose une question, dans sa tête, ça vient penser à sa place, et pensant à sa place, ça l'instruit de ce qu'il devrait penser. Et lorsque l'homme pense que c'est lui qui pense, ben nécessairement, il est convaincu que la réponse qu'il a eue, c'est quelque chose de correct. Si la réponse, regardez ceci. Lorsque ça pense dans ta tête, ça ne dit pas, Daniel, demain, tu vas faire ça. Parce que tu vas dire, hey, je m'appelle. Alors, ça dit, tiens, demain, je vais faire ça. Et puis là, tu es convaincu que c'est toi. Fait que là, demain, tu le fais. Mais lorsque tu poses une question puissante, à quoi sert la souffrance, si ça te répond, eh bien, je souffre pour apprendre. T'aimes pas trop ça. Alors là, ça va répondre, Daniel, tu souffres pour apprendre. Et puis là, tu vas dire, ah, ça a de l'allure. J'ai une voix qui me le dit. Mais c'est encore dans ta maudite pensée. Ouais. Alors ça, c'est le jeu. Il faut, bon, l'être humain qui pense, qu'il pense, c'est un être humain qui est capable de faire, si l'être humain pensait, il pourrait cesser de penser à l'instant même où il le veut. Mais ça pense dans sa tête lorsqu'il veut dormir, ça pense dans sa tête lorsqu'il veut oublier quelque chose d'atroce, quelque chose qui le hante. Ça pense dans sa tête lorsqu'il a peur ou lorsqu'il s'ennuie. Ça pense dans sa tête lorsqu'il s'inquiète. On n'a qu'à dire à un individu, bah oui, mais cesse de t'inquiéter. C'est facile à dire. Mais ça s'inquiète pareil. Cesse d'avoir peur. Oui, je comprends, mais pourquoi tu as peur des ascenseurs? Si c'est toi qui penses, cesse d'avoir peur des ascenseurs. C'est facile à dire, mais quand j'arrive, là, c'est plus fort que moi. C'est en plein ça. En plein ça. La souffrance, c'est le même phénomène. Quand l'être humain pose une question, Une question qui demande de la connaissance, mais une connaissance très proche de l'instantanéité. Disons une question. Parce que lorsque l'on pose une question, nécessairement, on recherche une réponse. Et la question provenant de l'expérience, c'est-à-dire provenant du passé, la réponse ne peut que provenir du passé. C'est pourquoi celui qui se pose des questions ne peut pas avoir de réponse supramentale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de réponse instantanée. On doit lui poser une question pour qu'il puisse répondre instantanément, étant donné que lorsque tu poses la question, pour l'individu qui va répondre, ça devient un événement instantané. Alors que s'il se la pose, il y a de fortes possibilités qu'elle ait germé dans sa mémoire avant, donc elle n'est plus instantanée lorsqu'elle arrive à sa conscience. Pourquoi je ne peux pas me répondre, mais je peux te répondre. L'intelligence de la souffrance, lorsque l'humain se pose ce genre de questions, nécessairement, il aura une réponse archétypée, il aura une réponse manipulée. Cette réponse le dirigera vers les traditions, vers la Bible, vers le Coran, vers le Talmud, vers le Bhagavad Gita, vers la Bhagavad Gita, vers ce genre de livre, ou bien vers d'autres individus. Mais normalement, on empêche l'individu de se présenter là où il y aura une réponse cosmique. On empêche l'individu, on lui fait penser, c'est-à-dire qu'on lui dit que c'est lui qui pense que ce n'est pas important de rechercher la réponse dans telle ou telle direction. Parce que ce qui manipule l'humain, c'est que dans cette direction-là, il y a une réponse qui n'est pas et qui ne peut pas être contrôlée par ce qui manipule l'homme. Ce soir, nous allons expliquer des choses intéressantes sur la souffrance qui n'ont jamais été expliquées. Et nécessairement, il ne peut pas y avoir immensément d'individus, et ce sera aussi une cassette qui ne se vendra pas beaucoup. Comprendre l'intelligence de la souffrance, le titre déjà est filtrant. Et l'humain qui a suffisamment d'intelligence ou suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée, est l'humain qui peut se diriger vers ce genre de réponse. À quoi ça sert de souffrir? Ça protège l'homme. J'ai déjà expliqué que la souffrance poussait le bonhomme ou la bonne femme dans le derrière pour qu'elle évolue. L'être humain va évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. Et que la peur du neuf servait de frein pour qu'il n'évolue pas trop vite. Faut pas se casser la gueule non plus. Le corps, lorsqu'il n'est pas prêt, il brise, il saute, il brûle. Ça, c'est la raison que j'ai donnée lors d'une conférence. Mais ce soir, on va donner, mettons, une raison plus cosmique. L'être humain souffre pour se protéger. C'est-à-dire que dans la souffrance, l'être humain émet de l'émotion. Et l'émotion, on a déjà vu que ça nourrissait des plans parallèles. L'émotion nourrissait les plans, le monde de la mort, la mémoire. Lorsqu'une entité veut de l'expérience, c'est-à-dire que tout ce qui fait référence au monde de la mort est expérientiel, donc il doit vivre l'expérience d'une chose afin de connaître la chose, il ne peut pas savoir la chose. Savoir, c'est relié à l'intelligence instantanée. Alors, lorsqu'une personne meurt, son âme gagne le monde de la mort. Et le monde de la mort ne peut pas. Le monde de la mort, c'est le monde de la mémoire, le monde du passé. Et cette âme, dans ce monde de la mort, dans ce ciel, ou dans cette phase purgatorielle, ou dans cet enfer, mais puis aujourd'hui, l'enfer, il n'y a plus personne qui va là. Dans ce monde, dans ce ciel, dans ce monde de la mort, l'âme n'a pas la possibilité de vivre d'expériences neuves parce qu'elle n'a plus de corps physique, condition essentielle à l'expérimentation. Alors, ces âmes vont essayer par le biais soit de médium, par le biais de prophètes, par le biais de différentes activités, de manipuler l'humain dans sa pensée pour que l'homme, par son corps, vive des expériences qui, là, vont nourrir le monde de la mort. Alors, les expériences hautement spirituelles nourrissent les grands, les hautes phases du monde de la mort, ce qu'on appelle le ciel, la partie céleste, la partie hautement célestrisée, la partie hautement spirituelle. Et les guerres, les violences, les drogues nourrissent une partie plutôt satanique du monde de la mort, une partie qui aussi manipule l'humain qui a besoin de cela. Alors les religions obligent les fidèles à convertir, parce que plus il y aura d'humains qui vont prier vers ce Dieu, plus ce Dieu sera nourri, se sentira mieux, se sentira plus sécure. Il a besoin d'être adoré, il a besoin d'être vénéré, il a besoin qu'on lui donne de l'énergie. Et normalement, on va lui donner de l'énergie en le remerciant, ce qui est une émotion. On ne remercie pas mentalement, on remercie seulement émotivement. On remercie lorsqu'émotivement on vit une condition psychologique où on se rend compte qu'on a têté quelqu'un et que celui-ci n'était pas obligé de nous le donner, mais que par le fait qu'il nous aimait, l'émotion, il nous l'a donné. Et évidemment, on aime un Dieu qui exauce nos vœux et on n'aime pas les dieux qui ne fonctionnent pas. Bon, on aime le Dieu esclave, mais on n'aime pas le Dieu qui... Ah, si on veut qu'il fasse beau et que le Dieu ne veut pas, ben ce Dieu-là, c'est le Dieu Jéhovah veut, on va changer de religion, c'est pas long. Si on a une entité intelligente qui donne à l'homme ce qui est nécessaire à l'homme, ben ça, on vote pas pour. Si on a une entité absolument cave qui donne à l'homme ce que l'homme a besoin pour que l'homme lui donne ce que lui a besoin, là, on vote pour. Et ça, ce sont les dieux qui sont adorés dans toutes les théologies de la planète. À travers cette théologie, il y a la souffrance. Si tu ne fais pas cela, tu iras en enfer. Tu dois avoir honte. Tu dois souffrir. Tu dois te culpabiliser de cette chose. Tu dois te repentir. Et dans l'Antiquité, jusqu'à même très dernièrement, il y a encore un peu dans certaines religions, et même dans la religion catholique, certaines régions de notre planète, l'humain ne peut expier sa faute que par la souffrance. D'ailleurs, l'idée même, l'idée suprême de la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'à un moment donné, une femme a ramassé une pomme, elle l'a pris une croquée, elle l'a donnée à son chum. Faut que l'humanité souffre à jamais. Alors, les dieux n'ont pas besoin de la souffrance de l'homme, ils n'ont besoin maudit. C'est ce qui les rend heureux. Maintenant, lorsque l'être humain parle d'un dieu qui ne veut pas la souffrance de l'homme, oui, mais ce dieu n'a pas de puissance. Le dieu qui veut que l'humain vive en paix, ce dieu n'a pas de puissance. Parce que l'humain qui est en paix se fait envahir par le peuple à côté qui est en guerre. Alors, il souffre autant. On en a eu qui étaient, on a eu des saints, ils étaient heureux, ils étaient connectés à ce qu'ils voudront. Ils sont morts la tête en bas, se crucifier. Mais ce n'est justement, c'est l'homme qui a créé les dieux. Les dieux auxquels l'homme s'adresse, oui. Ils ont été créés à la ressemblance et à l'image de l'homme dans le début. C'est Dieu, je veux dire qu'il y a une nuance. Ceux qui ont été créés par l'homme, ce ne sont pas ceux-là qui, ce sont pas ceux-là qui gèrent l'énergie de la souffrance? Et oui, ils gèrent l'énergie de la souffrance, mais ils sont gérés par de l'intelligence. Et l'intelligence n'appartient pas à ces dieux, elle appartient donc, à l'intelligence. C'est une vaste, ni plus ni moins, mécanicité évolutive. Regarde bien ce qui se passe. Il se passe ceci simplement, c'est que j'ai fait des conférences sur le rôle cosmique de l'homme. J'ai expliqué des choses. J'ai dit que plus tard, je reviendrai. Et puis, quand il n'y a pas trop de gens, de temps en temps, ça me plaît de grimper un peu plus haut. Parce que il y a comme une filtration qui s'est faite et puis ça devient intéressant. C'est quoi le rôle cosmique de l'homme? On en a suffisamment parlé dans la conférence sur le rôle cosmique. Mais la souffrance, elle est inhérente à cela pour la simple raison que lorsque l'être humain, lorsque l'intelligence de l'homme, lorsque l'esprit de l'homme était restrifié, lorsqu'il devient planétarisé, lorsqu'il arrive sur la planète, dans une condition extrêmement archaïque de l'époque, disons, antédinosaure, l'être humain, le corps physique évolue jusqu'à aujourd'hui. Mais la souffrance, elle sert à quoi? La souffrance, elle sert simplement à ceci. Présentement, vous savez, dans notre univers, il y a déjà des personnes qui ont entendu parler de ce théorème astrophysique qui disait, et qui était astro-ésotériquement physique, qui disait que présentement, il y avait une guerre d'extraterrestres quelque part dans l'univers où on se battait pour gagner la planète Terre. L'enjeu était la Terre. Et puis, il y avait les petits humains là-dessus qui essayaient de s'amuser pendant ce temps-là, là, mais ils s'occupaient, là, mais c'est un peu comme les poules ou les cochons qui se battent pour manger de la nourriture, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on les laisse faire parce qu'on fait pour se nourrir plus tard. Alors, ils se prennent au sérieux, il y a un cochon qui devient chef des cochons, qui mord les autres, qui bouffe tout, tu sais, là, il se prend au sérieux. Mais, à un moment donné, on le tue pareil, on le bouffe, fini là. Bon. Alors, c'est ça, un peu. Sauf que l'homme, ce n'est pas le cochon. L'homme a été placé dans une condition similaire. Et on a omnibulé la conscience de l'homme, c'est-à-dire que l'homme, lorsque l'homme s'était restrifié, il a accepté de perdre sa conscience instantanée pour ne pas savoir d'où il venait, pour avoir une facilité plus accrue à accepter sa condition de terrestre. Parce qu'il n'y a pas une seule entité intelligente qui resterait sur la planète Terre un peu plus qu'un iota de millième de seconde. Alors, il faut réellement être ignorant pour rester ici. Étant ignorant pour rester ici, il y a un problème. C'est que j'ai déjà expliqué que le rôle de l'homme était de bloquer l'évolution expansive de notre univers, être capable de créer une condition spatio-temporelle extrêmement basse, un corps physique, de l'augmenter en vibration, donc en spatio-temporalité différente ou en dimension différente, par le corps vital, la vie, par le corps astral, la psychologie, par le corps mental, l'intellect, et par le corps supramental, et par la suite par le corps bouddhique, par le corps divin. Sauf que dans notre galaxie, de temps en temps me pose des questions, les extraterrestres qui sont plus évolués que nous, je réponds que ces extraterrestres sont plus involués que nous. Ils sont au niveau de l'anti-crapaud. Ils sont à un niveau inférieur au crapaud, sauf que présentement, ils ne le sont pas encore devenus. Quand je parle de crapaud, je parle évidemment de d'oxalite dressée, je parle de tri, je parle de moutarde, je parle d'armes, je parle de tout ce que tu voudras, mais rien de ce qui est là. C'est-à-dire qu'il y a dans notre univers des conditions énergétiques qui ont une vibration très haute, et ces conditions énergétiques sont présentement propulsées dans l'univers, disons expansionniste de la création, Et au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du centre source d'où ils ont été projetés, ils perdent en vibration, ils perdent en énergie, parce que leur vibration entre en friction avec le temps, ce qui va créer la condition d'espace, donc ils se densifient. Alors, lorsque nous rencontrons un phénomène descendant évolutif supérieur à l'homme, il faut savoir que dans 30 millions d'années d'ici, ce phénomène sera au niveau de la boue peut-être, ou au niveau de l'homme, et que l'homme sera au niveau divin. Alors, présentement, il y a des énergies qui descendent, et il y a l'homme qui monte. Et dans la création, l'homme est la seule entité ascendante qui monte. Alors, il y a tout ce que tu voudras plus évoluer que l'homme, mais il y a l'homme qui monte. Toutes les autres sont plus évoluées que l'homme pour l'instant, mais leur chemin est de descendre et par la suite, ils vont recommencer à monter. Mais le temps qu'ils descendent, ils vont rejoindre l'homme. Alors, il y a des entités parmi ceux qui descendent qui ont comme fonction de se fusionner, d'entrer en contact avec l'homme, de se fusionner avec l'homme pour former l'homme nouveau. Alors, il y a une entité appelée ajusteur de pensée. Il y a la création du globe éthérique ou le perfectionnement du globe éthérique. Et il y a d'autres formes d'entités melchisédiennes ou etc. qui ont comme fonction de s'appuyer sur les corps de l'homme, se fusionner à l'homme pour devenir de l'homme, réveiller l'homme en même temps, et l'homme va continuer son ascension. Pendant ce temps-là, il y a la chute de tout ce qui s'écrase à côté. Et les choses qui s'écrasent trop vite vont devoir se connecter à des êtres humains beaucoup plus involués. Ce qui va créer la force de frappe de l'involution dans les années qui viennent. Et qui vont évidemment se battre contre la force d'évolution par jalousie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que dans le contexte de notre planète qui existe de l'émotion. La mémoire, ça existe partout dans l'univers. Une condition astrale, une condition céleste, aussi bien orchestrée que la nôtre, c'est unique chez nous. Il fallait, parce que c'était tellement con d'être ici, qu'il fallait que la condition soit suffisamment puissante, suffisamment bien tissée, pour que l'homme jamais, tant qu'il n'a pas la puissance de supporter sa découverte en acceptant de rester sur le plan terrestre, il fallait pas que l'homme puisse traverser cette trame cosmique, ce mensonge cosmique, pour savoir ce qui se passait. Maintenant, plus on évolue, plus l'être humain a la faculté de supporter un savoir nouveau, et il pourra donc comprendre un peu l'importance de la souffrance. Pour pouvoir justement développer cette capacité de pouvoir supporter ces difficultés-là, il faut qu'il y ait des mutations. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'à travers cette échelle galactique, il y a un paquet d'intelligences qui sont en phase d'évolution, qui sont plus intelligentes que l'homme pour l'instant, mais ils n'ont pas la faculté de comprendre l'intelligence cosmique du rôle de l'homme. Ils savent que l'homme est appelé à être gérant des galaxies, à être gérant des univers, à être gérant des super-univers, et finalement à gérer le retour global de cette création vers le centre source, appelez ça comme vous voudrez. C'est l'homme qui aura cette fonction. Sauf qu'en attendant, un paquet d'entités en phase d'évolution, lorsqu'ils observent l'homme, ils ont tous une seule maudite idée, venir se connecter après l'humain. Parce que l'homme monte et le reste s'écrase. Dieu est en phase d'évolution, il a besoin de l'homme. Et l'homme est en phase d'ascension, il a besoin d'un dieu. Ou de l'intelligence. Pour monter. Ben oui. Sauf qu'à travers tout ce qui doit se connecter, ce n'est pas tout ce qui existe en forme d'expression de l'intelligence dans notre univers qui doit se connecter à l'homme. Nous constatons. Les guides de lumière, les forces luciférienne, eux sont déjà dans l'homme. C'est d'ailleurs ce qui porte l'homme à vouloir évoluer. Les forces luciférienne. Les forces sataniques sont à l'extérieur de l'homme, et c'est ce qui collectivise l'homme pour l'empêcher d'évoluer. Lorsque Lucifer a créé la race humaine, c'est qu'il voulait simplement forcer la race adamique à se mélanger plus rapidement à la race biologique planétaire, de façon à accélérer l'évolution. Mais Lucifer n'avait rien compris. Lucifer, c'est un trait, il n'avait pas le choix, mais il ne pouvait pas comprendre. Sauf que Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce qui oblige la souffrance. Parce que Lucifer est venu sur le plan terrestre instruire dans l'homme une parcelle de quelque chose qui lui rappellerait qu'il est autre chose que du corps physique, c'est grâce à Lucifer, la petite lumière qu'on a chez soi. Sauf que cette lumière, elle oblige l'homme à vouloir évoluer plus rapidement. Et l'homme doit rester sur le plan de la planète pour construire un corps physique, corps vital, corps astral et corps mental, pouvant supporter de l'intelligence du Dieu. Mais Lucifer veut que l'être humain se fasse une fusée et sacre son camp, ce qui n'est pas le rôle. Alors, étant donné que l'être humain veut évoluer à tout prix, nécessairement, on doit l'obliger à rester sur la Terre. Alors, il y aura ce mensonge cosmique, l'humain va dire « Bon, je m'en vais, mais où ?» Alors, dans sa tête, ça vient lui dire « Tu t'en vas prier. » Bon, fait qu'il reste sa planète. Alors, il va prier, puis on lui dit « Je prie pour quoi ? Pour être sauvé. Prie toute ta vie. » puis enseigne à tes enfants de prier. Continue à obscurcir ce monde qui va empêcher les humains, au fur et à mesure de l'évolution, qui ces humains qui vont devenir de plus en plus probants à recevoir le contact supramental, ben continue à obscurcir le monde de la mort pour qu'il ne l'ait pas. Mais c'est essentiel. Parce que l'homme sur le plan planétaire, et écoutez bien ce que je dis, vous pourrez le réécouter vers la suite, mais c'est cela. L'homme sur le plan de la planète, lorsqu'il pose une question, il n'a pas de réponse. Il n'a pas la faculté de voir au-delà de ce filtre épais qu'est le monde de la mort, le ciel. Il ne peut voir l'autre côté, donc il ne peut pas savoir ce que c'est que de l'homme. Il ne peut pas savoir ce que c'est que de l'univers. Il ne peut pas savoir ce que c'est que de l'énergie. Il ne peut pas savoir ce que c'est que les dieux. Mais, en échange de cela, tout ce qui est à l'extérieur de notre planète Terre dans les mondes parallèles ne peut pas non plus voir ce qui se passe sur la Terre. Et s'il y aura une seule entité intelligente en phase d'évolution qui serait que l'homme est en phase d'évolution, elle s'arrangerait pour aller chercher cet homme, détruire son âme et son ego, se pluguer dessus et se servir de ce véhicule ascendant pour ne pas avoir à continuer sa chute. Alors toute la création se garocherait à une vitesse folle pour venir chercher les hommes sur la planète Terre de façon à se pluguer à eux. Les quelques pauvres caves qui, à un moment donné, au niveau de l'intelligence, réussissent à traverser cette brume, apparaissent devant l'homme comme des dieux, comme des extraterrestres sauveurs, comme des ce que vous voudrez, pour essayer de ramasser quelques humains de façon à les manipuler pour pouvoir s'asseoir dessus. Mais ceux-là seront détruits de toute façon. Ça ne fonctionnera pas. Le corps de l'homme n'est pas suffisamment prêt, parce que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'asseoir sur l'homme, mais ils n'ont aucune connaissance dans le domaine de la planète Terre. Tu n'as pas le savoir, tu as la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de ce que le corps physique peut supporter. Alors, ils vont faire supporter au corps physique des choses pour remonter plus vite, qui vont détruire le corps physique. Si je vois bien, tu sembles vouloir expliquer la présence de la souffrance comme une mécanicité. Puis là, j'arrive... Je me pose la question, c'est-tu nécessaire de souffrir pour puis que le même processus puisse continuer à évoluer? Bon, c'est nécessaire de souffrir. Mais sauf que ce n'est pas intelligent de souffrir. Donc, lorsque l'homme devient intelligent, il ne souffre plus. Parce qu'il remplace la souffrance par quelque chose d'autre. Et comment fait-il ça? Pas comment fait-il. On va commencer avant pour aller voir pourquoi. La souffrance, elle nourrit le monde de la mort. Plus l'être humain, et quand on parle de souffrance, on parle de toute la condition émotive de l'homme. Mais la souffrance est l'une des grandes facettes d'expression de l'émotion. Tu peux souffrir d'aimer. Tu peux souffrir d'haïr. Tu peux souffrir de gagner la loterie. Tu peux, en fin de compte, tout ce qui est émotif engendre nécessairement la souffrance. L'homme nouveau a des sentiments, il n'a pas d'émotion. Donc, il ne veut pas que le sentiment reste toujours chez lui. Il ne veut pas le recréer dans l'avenir. Donc, il n'est pas émotif. Le sentiment s'éteint, la chose s'éteint. L'homme se vénère lui-même d'être un émotif. Oui, mais il faut bien avoir des émotions. C'est ça. Aie des émotions, souffre de tes émotions, vénère tes émotions, nourrit le monde de la mort, continue à obscurcir le champ qui t'empêche de savoir. Puis c'est tout. Lorsque l'être humain finit par perdre l'idée même de l'intelligence de l'émotion, lorsque l'être humain arrive à éliminer la valeur de l'émotion, la valeur énergétique qu'il attache à l'émotion, il finira par découvrir quelque chose de supérieur à l'émotion, qui est le sentiment. Une résonance instantanée entre deux choses, par fusion énergétique des deux choses. Une contemplation. Bon, mais c'est même plus fort. Lorsque l'être humain ne peut pas vivre cela, il est en phase d'ascension, donc il va découvrir des choses. Mais s'il découvre des choses, il va finir par brailler ses découvertes. Et à l'extérieur du contexte planétaire, on ne doit pas savoir que l'homme est en phase d'avancer, que l'homme est suffisamment avancé pour commencer à recevoir de l'intelligence. Le comte de Saint-Germain, lorsqu'il est apparu dans le 17e siècle, il a inventé tout ce qu'il fallait pour que les femmes se maquillent. Les teintures à cheveux, tout le mascara complet, enfin tout le kit. Je le soupçonne même d'être à l'origine des souliers de l'eau. Enfin. C'est bon. Il a inventé cela pourquoi? Pour que la femme commence à astraliser le monde de la mort, pour donner un coup de pouce. L'homme l'avait fait par les guerres. Mais étant donné que là, l'homme, le mâle, se pacifiait de plus en plus. Pas encore, mais de plus en plus. Alors il fallait absolument que le monde de la mort continue à voir son épaisseur densifiée, parce qu'un jour, cette maudite planète était pour pénétrer en 1969 dans une région de notre galaxie qui est qui est extrêmement pleine d'énergie supramentale, donc d'intelligence instantanée, d'intelligence active, d'esprit simple, on sait comme on voudra. Et lorsque la planète Terre va arriver là-dedans, faudra pas que l'homme puisse recevoir, pas que l'homme reçoive de plein fouet ses énergies. Il fallait donc créer un filtre pour pouvoir obscurcir de façon de ne pas brûler l'homme. Et ce filtre, c'est le monde de la mort, qui a été extrêmement densifié par la souffrance, par les grandes guerres, les deux dernières grandes guerres. Et étant donné qu'on rentre dans un faisceau de plus en plus puissant, s'il n'y a pas suffisamment d'hommes transitifs et de femmes transitives, ou d'hommes nouveaux ou de femmes nouvelles d'ici les quelques années qui viennent, il sera nécessaire d'obscurcir encore plus. Parce qu'il y aura des humains qui auront un cerveau suffisamment solide pour toucher l'intelligence, mais ils auront trop d'ego. Alors ils vont prendre de la puissance pour la transformer en pouvoir. Et le pouvoir, tu as besoin de l'appliquer, besoin de dominer. Et pour que cela n'arrive pas, il faudra donc une autre guerre. Une autre densification majeure du plan de la, du monde de la mort, et ça se fait très rapidement par la souffrance. Alors nécessairement, une guerre, un apocalypse, ça amène extrêmement de souffrance, et ça permet d'obscurcir encore plus, et il ne restera que l'homme nouveau qui aura la faculté, par son double éthérique, de traverser le monde de la mort. Donc ce filtre pour aller fouiller l'autre bord. Mais le problème, c'est que à l'extérieur, je répète donc que partout dans notre galaxie, entre autres, commençons par ce qui est proche de nous, dans notre galaxie qui contient quelques milliards d'étoiles, il y a des entités évolutives. Il il y a des entités, quand je parle évolutives, il faut faire attention, ils sont en phase de descente, donc d'involution, mais cosmiquement, c'est de l'évolution, c'est-à-dire que c'est un peu comme si je dis, tu vas à Québec et tu reviens avec un beng Dunkin' Donut. Bon, c'est pas les riches qui font ça des fois. En tout cas, je sais qu'il y en a un qui prenait l'avion pour aller acheter du bol de à l'autre bout des États-Unis, puis revenait chez lui le manger. Bon. Alors, je te dis, moi, tu pars me chercher ça. Quand est-ce vas-tu être sur le chemin du retour? Du moment que tu pars de la maison, tu es sur le chemin du retour. Évidemment, t'es pas rendu à Québec. Mais rendu à Québec, tu reviens. Alors l'homme, dans sa conscience limitée, ne voit que le retour que lorsque tu repars de Québec. Mais en réalité, à l'instant où tu es parti, tu es sur le chemin du retour. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est évident. Alors, la phase d'évolution cosmique, même si tu es en train de t'écraser, t'évolues. Parce que de toute façon, faut que tu passes par là. Donc, en partant, c'est évolutif. Pour arriver là, faut que tu passes là. Donc, pour arriver là, t'es déjà en chemin. C'est pas juste quand tu remontes. Partout dans cette galaxie, il y a des entités en phase évolutive qui sont en train de perdre de l'énergie. Et ils savent que quelque part dans cette création, il y a une planète dans un système particulier, avec des conditions particulières. Une planète où on est en train, où l'intelligence a accepté de descendre, et ça c'est vous, pour construire un véhicule spatio-temporel. On appelle ça matériel dans cette densification. Un véhicule qui sera vivant, animé, permettant après ça l'intelligence de pouvoir, par le biais des plans astraux, des manipulations, pouvoir le faire bouger et l'amener à créer de l'expérience. Tout l'homme est un être expérientiel pour la simple raison que l'expérience crée de la mémoire et la mémoire, elle stocke, elle est stagnante. Étant stagnante, ça fait comme un gros nuage de fumée qui empêche l'homme de voir et qui empêche tout ce qui est à l'extérieur de voir. Alors, il y a une planète, quelque part dans ce système galactique, où les intelligences sont en phase de descente, peuvent percevoir qu'il y a sur cette planète quelque chose d'animé, l'homme. Et de temps en temps, on vient voir ce qui se passe. Et lorsqu'on approche, on se densifie. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre de la merde. On découvre des folies furieuses. On découvre un homme sur un cheval qui s'en va. Et là, on se dit, quel est l'animal supérieur? Sans doute celui qui est supporté par le cheval. Et là, l'intelligence se promène et elle voit une personne avec un chien. Et là, on dit oui, mais dans ce cas-ci, c'est le chien qui est supporté. Donc le chien, sans doute, animal supérieur. Et là, on veut entrer en contact avec l'homme. Alors, on va essayer de comprendre de quelle façon il pense, de quelle façon il parle, de quelle façon il communique. C'est pas télépathique, c'est pas télépathe pour Saint-Saëns. Tu parles dans une langue, il comprend pas les mots. Tu dis que c'est beau, il pense que c'est merveilleux. Tu dis que c'est beau, il pense que c'est laid. Hein, parce qu'il colore tout. Tu vas dans un autre endroit, on parle une autre maudite langue. Tu veux voir qu'est-ce que cet humain-là vit. Il est tout à fait dissocié d'un standard, même s'il réagit à une collectivité dans l'ensemble, ce qui fuck absolument tout. Tu demandes à quelqu'un quelle est ta couleur préférée, bleu. Tu demandes à un autre, jaune. Donc, ils sont différents. Ils regardent aller, ils font la même affaire. Canadiens gagnent la Coupe Stanley, jaune ou bleu, on casse tout. Alors, l'intelligence te dit, sac ton collectif, puis en même temps, quand tu ramasses par la collectivité, ça individualise. Quand tu ramasses individuellement, c'est collectif. C'est fait. Le gars, il va évoluer, tu vas le voir, je suis un dieu. Il sort la Bible tout de suite. Donc, il se collectif tout de suite. Tous ceux qui viennent fouiller ne découvrent ici puissance. Mais qui finalement, quand tu regardes ça cosmiquement, tu te dis, tabarnouche, je suis tout content parce que le beigne était chaud. Puis le reste de la journée, il gueule contre tout. Tu te dis, les puissances que l'humain a, faut être cave. Où en est l'intelligence? Alors, ces intelligences-là recherchent encore partout où est cette planète laboratoire, cette planète où, effectivement, l'involution est terminée, cette planète où l'ascension est commencée, de façon à venir atterrir sur ces phénomènes pour les voler. Étant donné que les intelligences extérieures sont plus puissantes dans l'expression actuelle créatrice que l'homme, cela va de soi que s'il rencontre un homme, il le pogne tout de suite, il le finalise, puis sacre le camp avec. Ils peuvent pas sacrer leur camp avec, j'expliquais. On a une copule de grands caves, pardon, de grands maîtres, qui sont un peu partout sur la planète, et qui sont justement des résidus de personnes qui se sont pris au sérieux, qui ont eu suffisamment, par leur corps physique, de possibilités pour rejoindre le contact supramental, et ils se sont fusionnés immédiatement à ce qu'il y avait là. Mais ce qu'il y avait là, ce n'était pas ce qui attendait l'homme. Ils sont restés pognés dans le contexte de notre planète, parce qu'une partie de leur esprit est chez eux, et le reste est chez les autres humains. On a déjà expliqué qu'il y avait 14 faisceaux d'énergie. Il y en a un qui est venu ici, qui est parti avec le sien, le Nazaréen. Lui a ramassé le 13e faisceau, mais il n'est pas complété. Et il reste 12 faisceaux. Et ces 12 faisceaux vont donner 144 000 élus, 144 853 si on compte les siens. Des êtres humains qui, par processus de réincarnation pluralitaire fusionnelle, vont être capables de recevoir l'humanité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces Melchisedec, pardon, pas ces Melchisedec, mais ces grands maîtres, lorsqu'ils ont une partie du faisceau de l'esprit d'un des 12 faisceaux chez eux, il reste tous leurs frères et sœurs en esprit qui traînent un peu partout sa planète à souffrir, à vivre une expérience, à comprendre, à oublier, par commencer, pas comprendre, à oublier, par commencer. Et puis ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés d'instruire ses frères et sœurs en esprit de façon à les faire monter. Et c'est pourquoi ces grands énergumènes s'intéressent à l'évolution de l'homme. Et lorsque ces frères et sœurs en esprit arrivent à un niveau où ils peuvent monter plus haut, ces grands énergumènes ne veulent pas. Et là, les grands maîtres commencent à obliger ces humains à stagner. Ils vont donc engendrer encore une fois des phénomènes de souffrance pour obscurcir, parce qu'on ne veut pas. Si je suis un grand maître et que tu es plugué, c'est le même esprit que moi. Si moi je m'en allais, ton esprit est ici, ce qui fait que je n'irai pas loin, parce que toi pis moi, on est pareil. Alors, ou bien faut que je t'amène avec moi si je veux ramasser le faisceau, ou bien je reste pogné. Et présentement, je reste pogné. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens te voir, je t'envoie des petites expériences, je pense dans ta tête, puis etc. Je te force à évoluer. Quand t'es rendu à peu près au même niveau que moi, là, faut évoluer, faut faire évoluer les autres. Fait que là, m'a te missionner. Là, m'a te dire que t'as une mission. Grand machin chouette a missionné, bon, petit machin chouette. Et puis là, tu pars en mission, tout content, t'sais, quelqu'un qui pense à toi, puis là, t'as un rôle à jouer, puis tu t'en vas. Mais ce qui est le problème qu'il y a, c'est que lorsque toi, tu fais cela, tu réfléchis un peu plus, et quand tu réfléchis un peu plus, tu finis par te dire, oui, mais tout d'un coup que... Alors là, je te donne une bonne claque en pleine face, hein, je te fais mettre des bas rouges, c'est un accident, là, tu penses à cause des bas rouges, ça t'occupe. Je te fais rencontrer une tireuse de cartes ou une astrologue qui va t'expliquer que, bon, tout ce que je veux qu'elle t'explique. Et puis là, tu vas commencer à souffrir. Et puis si tu dis, oui, mais ce maître-là, peut-être que, m'a t'envoyé, m'a fait penser. Tu vas douter, tu vas avoir honte, culpabiliser, tu seras pas sûr, tu vas regretter, tu vas... Bon. Et qu'est-ce qui se passe? On crée de la souffrance au-dessus de toi. C'est ton karma. Mais cette souffrance karmique que tu accumules, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obscurcit l'intelligence par rapport à ta conscience. Donc, même si tu es maintenant un grand initié, manipulé par les énergumènes, les forces d'évolution, tu es un grand initié, tu vas manger de la marde. Pourquoi? Parce que, en tant que grand maître, je ne voudrais pas que tu vois ce que moi, je vois pas. Parce que tu vas partir. Ou tu vas me laisser tomber, tu as décidé. Le Nazaréen, lorsqu'il a été conçu, hein, il y avait des grands bonhommes, des grands vichoux, célestins qui sont venus le voir. Puis ils ont dit, mon petit, là-bas, il y a une guerrière, les élotes. Besoin d'un chef. T'as une grande gueule, tu parles bien. T'es né Nazaréen, la seule secte essénienne qui permet d'avoir des femmes pour avoir des enfants. Puis paraît en plus que t'aurais fourré ta main toi-même. Bon, c'est pour ça qu'il faut dire, bon, en tout cas, ben, Joseph n'a rien fait. Bon. Faut se mettre au monde, là. On appelle ça une... comment on appelle ça? Un enfantement immaculé? Je sais pas trop. En tout cas, bon. Par le Saint-Esprit, ben, Nazaréen était le Saint-Esprit, c'était le Christ. Bon. Ça arrive au même. Hein? C'est le Christ qui... Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on lui a dit, tu vas être le roi des Juifs, parce que génétiquement, tu as tout ce qu'il faut. Et le Nazaréen, ben, il a dit, oui, ok, parfait, chapeau. Et puis, il voulait devenir le roi des Zélotes. Et puis, là, il s'est instruit, il a fouillé, il est allé en Égypte, il est allé aux Indes, il est allé à Rome, il est allé, ben, à Rome, oui, allé à l'époque. Il est allé aussi en Grèce, il est allé à plusieurs places. Et puis, à un moment donné, ben, là-dedans, ça travaillait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contact christique qui était en train de s'opérer. Ce que Joshua savait, mais il savait pas trop. Alors, on a voulu le faire souffrir, pour obscurcir, mais c'était un peu tard. Ce qui restait, ça l'a amené sur la croix, mais ça, c'est une autre chose. Alors, à un moment donné, ce Nazaréen, il a fini par voir des choses que les prêtres ne voyaient pas. Et il a échappé. Melchisédek, l'un des prêtres de l'époque, a couru après tout le temps. Et on a fini par s'arranger. Les Juifs ont fini par s'organiser pour l'éliminer. La jalousie. Mais le Nazaréen avait vu d'autres choses. Et c'est pourquoi, à un moment donné, ben, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est maintenant gérant de tout un système galactique. Mais présentement, ce qu'il faut donc comprendre de ce phénomène, c'est que lorsqu'un être humain évolue, il finit par voir clair. Et s'il est assujetti à un maître, ben nécessairement, un jour, le maître s'organisera pour qu'il ne voit pas trop clair. Et toute l'évolution de notre planète, elle est bâtie en fonction que l'homme ne voit pas trop clair. Les forces sataniques sont les forces d'involution qui obligent l'humain à se droguer, ça nourrit. À se prostituer, ça nourrit. À faire des guerres, ça nourrit. À violer, à se battre, à chicaner, hein, ça tend l'atmosphère. Et puis là, à travers tout ça, l'homme construit de cette souffrance une trame qui filtre l'intelligence. Lorsque l'être humain souffre à un point tel qu'il finit par être écœuré de souffrir, ou il se suicide de regagner le monde de la mort pour continuer à nourrir, ou il finit par ne plus rien avoir au niveau de l'ego, il a une crise égoïque, et s'il a suffisamment de mental, cela dégénère en colère mentale qui va purifier une partie de ce qui l'empêche de voir et va lui permettre de voir les choses. Mais maintenant qu'il l'a vu, on va lentement ramener les petites choses autour de lui pour qu'il s'obscurcisse un peu. Le rôle de la souffrance, cosmiquement, c'est d'empêcher l'homme qui n'est pas prêt de voir ce qu'il ne doit pas voir. Et pour cela, on doit créer un filtre énergétique qui oblige la psychologie de l'homme, son âme, à toujours être en relation avec un passé émotif, un passé souffrant, qui canalise dans sa vie un travail qui, au lieu de se faire dans un contexte où il devrait vivre l'instantané à l'instantané, le Nazaréen avait dit, pour le monde de l'époque, un jour à la fois. Mais en réalité, c'est à la fois. Bon, lorsque l'homme qui vit de cette valeur psychologique de la souffrance mémorisée s'arrange pour pouvoir enligner un futur moins souffrant, donc s'occupant du futur, il ne peut pas s'occuper d'un contact avec l'instantanéité. Ne pouvant être instantané et vivre de l'instantané parce que la mémoire de la souffrance l'oblige à vouloir enligner un futur moins souffrant, nécessairement, il reste carrément assujetti et ce filtre de la souffrance entre donc en opération d'une façon efficace. L'homme, il se dit pas rien. L'homme, il se dit, espérons que, à moins que, tout d'un coup que, il est toujours en train de préparer un schéma de futur dans le but d'enligner un bonheur qui lui sera toujours interdit. Mais l'expérience de l'homme de tous les jours, finalement, sur le plan d'une vie, c'est son évolution, la chose qui est la plus évolutive, c'est toute sa génétique. C'est ce qui va faire que le suivant va pouvoir faire en sorte d'interpréter les différentes énergies et puis pouvoir aussi apprendre le discernement. C'est qu'à travers toute l'évolution de l'homme, il y a simplement une seule chose. Qu'est-ce qui évolue dans l'homme? C'est pas l'âme, hein? On l'a vu souvent, l'âme, ça évolue pas. L'âme, ça stagne, ça mémorise, ça concesse, ça évolue pas. Ça comprend rien, mais ça espère. Ça croit. Bon. Qui est-ce qui évolue chez l'homme? C'est pas l'esprit. L'esprit évolue pas non plus. L'esprit, c'est parfait. Ça évolue pas. Mais on veut construire un véhicule qui va permettre à l'esprit de venir s'écraser dedans confortablement puis de prendre les manœuvres pour commencer à pouvoir dire maintenant je suis de l'intelligence et je sais tout ce qui se passe dans la matière parce que je suis aussi de la matière. Lorsque l'intelligence veut te donner un coup de pied au derrière, faut absolument qu'elle vienne posséder une entité qui peut posséder un dieu, qui possède une hiérarchie subséquente, qui possède un prêtre, qui possède un disciple. Pis là, ça va dire à l'autre, à l'autre, à l'autre de dire au prêtre, dis au disciple de botter le cul du voisin. Fait que tout est assis quelque part, le gars il passe, pis te botte le derrière. C'est l'intelligence qui est de te botter le derrière, mais sans corps physique, elle te botte rien avant tout. L'intelligence a besoin du corps. Maintenant, pour pouvoir opérer, sans passer par toute cette hiérarchie de coloration de pouvoir, du monde de la mort, aller jusqu'au plan même extra-mortuaire, faut que l'intelligence soit capable d'arriver à pouvoir s'exprimer intensément, instantanément, sans médium, sans transmetteur, sans colorateur, sans interpréteur, dans la matière. Et pour cela, c'est le corps de l'homme. Alors, qu'est-ce qui évolue chez l'homme? C'est tout ce qui lui permet d'avoir une personnalité qui n'est pas une personnalité égoïque, disons une identité, d'ordre atomique, c'est-à-dire d'ordre vital. Et cette entité, ce phénomène d'ordre atomique est ce qui va constituer ta forme matérielle. Et c'est pourquoi, lorsque l'être humain évolue suffisamment, il se crée un double de cette forme dans l'éther, dans un monde parallèle, le plan moronciel. Ce double moronciel, ce double éthérique, va être ce qui va recevoir l'homme lorsque l'homme va mourir. Donc, l'homme n'ira plus dans ce maudit monde de la mort. Et l'homme va commencer à revenir sur le plan planétaire en se rappelant ce qu'il a fait. Tandis qu'aujourd'hui, c'est autre chose. On va dans le monde de la mort, on se fusionne avec ceux qu'on aimait, on les quitte plus à jamais parce qu'on devient eux autres, puis on se réincarne en gang dans un corps, on se bat pendant quelques années à l'adolescence pour savoir c'est qui va prendre le dessus. Mais tout ça, c'est des expériences intéressantes que l'esprit en dessous qui fait juste promener ton corps. L'évolution est transmissible comment? Par la génétique. C'est la seule marque physique matérielle qui permet au code atomique de conserver l'évolution du corps. Tout le reste n'est là que pour empêcher l'homme de trop avancer. Et surtout, est là pour empêcher l'extérieur de savoir que l'homme avance trop. Mais est-ce que c'est vraiment là pour empêcher d'avancer? Si une personne, au point de vue génétique, ne peut pas capter certaines vibrations, les interpréter, les décoder pour pouvoir les... À ce moment-là, c'est ça la limite. Regarde. Qui veut empêcher l'homme d'avancer, d'évoluer? Ben, je me pose bien la question. Satan. Il n'y a pas d'intention. Satan. Qu'est-ce que c'est Satan? Satan, c'est l'agglomération mémorielle de l'expérience corporelle de l'homme. Lorsque tu vis dans un corps densifié, tu finis par te décaler de l'instantanéité, ce qui t'engendre la mémoire que l'homme a, et cette mémoire te permet de goûter, dans un avancement temporel, te permet de continuer à goûter des feelings que tu n'as plus, mais que tu as eu. D'où l'attachement à ce feeling. Alors Satan, c'est tout ce qui cristallise le temps dans l'évolution de l'instantanéité. C'est tout ce qui oblige les choses du passé à être constamment ramenées dans le présent, dans l'instantanéité, ce qui engendre de la mémoire et de la pensée. Alors, Satan, c'est la souffrance, évidemment, va être de forme satanique. Mais Satan a été créé, justement, pour créer ce monde de la mort. Sauf que l'être humain prend jouissance de la vie. Le sexe, on l'a vu un peu la semaine dernière, faisait noir un peu, mais on a vu quand même quelque chose. La sexualité, qu'est-ce que c'est? Ça amène une jouissance mémorielle extrême à l'homme. Et il gaspille beaucoup d'énergie vitale. Alors, nécessairement, les forces sataniques vont faire jouir l'homme du sexe. Et l'homme, en jouissant, ben, il continue à rechercher le sexe. Donc, il ne peut pas avancer au même rythme qu'il pourrait avancer sans ceux-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance, elle est là. Non pas pour vous, en tant qu'égo. Mais pour elle est là pour protéger l'homme. C'est comme si je suis un grand stratège militaire et puis je décide d'envahir votre pays. Je veux envahir quelques pays parce que le mien, là, c'est en décadence totale. Oh, tout va bien. Mais là, ça sent, je sens que ça s'en va. Parce que tout va bien, mais ça a déjà été mieux. Donc, en partant, ma courbe de croissance, elle est involutive. Alors, je dis, je vais envahir les pays. Ici, on a un pays, ici, on a un pays. Alors, je commence par m'informer, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils ont pour se défendre? Absolument rien, tout bout. Parce que là, il n'y a pas grand-chose pour se défendre. Oh, il y a des hommes nouveaux qui s'en viennent, il y aura des choses. Pour l'instant. Alors, je vais dire, bon, j'observe un peu l'isance dans ce pays, puis là, ici, l'eau de source est pure, il y a les arbres, c'est merveilleux, c'est les animaux, ils meurent tout seuls, puis ils se dépecent eux-mêmes, tu sais, c'est parfait pour te nourrir. C'est génial. Là, je regarde du côté ici, les animaux sont malades. 1 sur 2 à la tuberculose. Ah, l'homme sait comment les différencier, mais, tu sais, ici, ils sont tous beaux. Quel pays m'envahir le premier? Celui-là. Eux autres, ils souffrent. Mais je les envahirai pas. Penses-tu qu'on me ramasser là? Pas intéressé pas tout. Alors je fouille dans l'univers à la recherche d'endroits très évolués, même en phase d'évolution. J'envahis pour aller voir, puis je me fais ramasser. Puis à travers tout cela, ben il y a toujours un maudit pays, la planète Terre, où ce que là-dedans, là, tu fais rien que mettre le doigt, tu ressors de là, t'as plus de doigt, c'est pollué, c'est noir, c'est gluant, tu sais. Tu veux pas y aller. Alors eux autres, ils souffrent. Sauf que l'expérience évolutive ascendante, la création des corps subtils inférieurs qui va permettre à l'intelligence d'être supportée, se poursuit même à travers la souffrance. La souffrance n'empêche pas l'intelligence d'agir. Est-ce que ça veut dire que cette expérience tout à fait exceptionnelle de l'homme qui vient chercher ici sur la planète va faire évoluer un corps tellement puissant au point sur le plan génétique, qui va pouvoir à ce moment-là engendrer de par le fait même une plus grande puissance que les puissances cosmiques qui actuellement contrôlent notre planète. Bon, c'est dangereux comme question. Est-ce que l'homme pourra un jour être gérant de toutes les puissances cosmiques qui présentement gèrent la galaxie ou gèrent les univers? Oui, et c'est ça le problème. C'est que toutes ces hiérarchies-là recherchent... Ça l'aide à comprendre un peu quand on fait des parallèles. Il y a un bonhomme sur la planète à un moment donné qui a entendu parler que venait de naître un enfant qui deviendrait le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses armées à travers le pays pour tuer les enfants de 2 ans et moins. Qu'est-ce qui arrive? On la recherche, la Terre, en sacrableux. En vache. Tant qu'on continue à faire les conneries planétaires qu'on fait là, on est bien convaincus que c'est pas ici que ça se passe. Qu'est-ce qui arrive? Ces hiérarchies-là ne veulent pas que l'homme devienne supérieur à eux. Ils sont en phase d'involution. Et on va dire, oui, mais Dieu... Mais... Faire attention, Dieu, on peut le parler sur un maudit paquet de plans. Faisons juste nous rappeler qu'à travers ces dieux, Dieu aurait créé Lucifer, un porteur de lumière génial, qui apparemment a envoyé l'homme en chute libre. Dans ces hiérarchies, il y a de l'intelligence. Mais cette intelligence, elle est en phase d'involution, et elle va faire quoi? Elle va s'arranger pour se connecter à l'homme. Se connectant à l'homme, elle colorera l'homme, et l'homme qui est présentement en train de se créer un canal avec ce qui est créateur de cette création, va être coloré. Donc, c'est-à-dire qu'on aura à un moment donné une intelligence de quelque envergure que tu voudras, qui viendra se placer dans l'homme, et qui colorera le contact avec l'intelligence source entre l'homme, la matière, et ce qui est au-delà de l'énergie. Alors, l'homme ne doit pas se plugger là. L'homme ne doit pas se connecter à ce genre de hiérarchie. L'homme est la hiérarchie suprême qui est partie de là, qui est allée dans le peuple s'habiller en guenille, de façon à connaître tout ce qui se passe dans le peuple, de façon à connaître tout ce qu'il y a là. Puis un jour, ce bonhomme-là, il va frapper aux portes d'un gros royaume, et puis les soldats vont dire « Hey, tu pues votre temps! » Il faudra qu'il rentre par une autre porte souterraine que peut-être il avait oubliée, pour ne pas parler lorsqu'il était trop jeune, et qu'il va redécouvrir maintenant qu'il a appris à se taire, et il va rentrer là-dedans, et puis là, il va devoir traverser toute la gang de caves qui vont trouver qui pue, jusqu'à une personne qui, lorsque celle-ci va la reconnaître, cette personne pourra dire, « Hey, mais tu es le roi! » Et comme elle a l'autorité sur toute la gang de cons, ben ceux qui vont dire, « Mais pourtant, elle pue! » Ben ils vont dire, « Si elle, elle la reconnaît, c'est que c'est vrai! » Là, ils vont tenir s'excuser. Mais il t'aurait tué tout le long en montant, hein? Parce que quand toi t'arrives là, là, tu tasses toute hiérarchie d'écran. Tout le monde se ramasse sur le cul. Le lieutenant obéit au capitaine, le capitaine au roi. Le roi, c'est un roi temporaire. Quand toi t'arrives là, le roi devient capitaine, le capitaine devient lieutenant, le lieutenant devient soldat. Fait qu'il n'y a pas un là-dedans qui tient ce qui t'arrive. C'était beau. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. À travers l'homme a ce rôle cosmique de cessation d'expansion évolutive de notre univers, qui est en réalité une forme, disons, d'involution. Et la souffrance, l'intelligence de la souffrance, c'est de permettre de créer un filtre merveilleux dans lequel viennent boire les entités extérieures à l'homme, et lorsqu'ils viennent boire là-dedans, ils se rendent compte que c'est pas là que ça se passe. Je peux me permettre de parler, la gang de caves du monde de la mort se nourrit de ce que je dis, ils l'agglomèrent comme ils veulent, le colorent comme ils veulent, puis tout ce qu'on sait, c'est sa planète Terre, il y a un fou de plus. Ça dérange pas. Aucun problème. Par contre, en dessous, dans ce monde de la mort, sur la planète Terre, ce que je dis a une maudite importance. Parce que ça, ça peut maintenant servir à l'homme qui cherche. Mais ça ne peut pas servir aux autres en haut qui cherchent encore l'endroit où il y a une planète extraordinaire qui où se vit une expérience de la plus haute création. Puis de l'évolution ici, c'est de l'évolution, de l'ascension. Comment pouvons-nous faire pour cesser de souffrir? Voilà. C'est toute la question. Puis plus tu fais souffrir des gens, moins tu souffres. Oui, parce que tu mets au moins ton quota de souffrance. Non, ben, on te donne un break, tu nourris. Il y en a beaucoup qui voudraient avoir cette possibilité d'échanger la souffrance avec une autre mécanicité qui est moins souffrante pour arriver à faire un pacte avec le diable. Tu souffres plus. Ben oui, mais... mais c'était pas intelligent. Bon, ça va de soi. Mais à part de ça. À part de ça. L'homme doit créer des substances endoformiques, des formes pensées, qui auront une puissance mentale suffisante pour traverser tout le monde de la mort qui est astral, donc qui est plus dense. Hein? C'est plus subtil la forme mentale, elle va monter. Et elle va aller se placer à la surface de cette sphère, qui est le monde de la mort, qui est limité par la finalité de notre atmosphère terrestre. Et lorsque les cas vont venir lire dessus, il faudra qu'ils lisent ces formes. Lisant ces formes, cela va les contenter, et là, on pourra, de la planète, tout changer ce qui est là. Et au lieu d'avoir un filtre inconscient et volontaire créé par l'ignorance de l'homme et par la souffrance, on pourra avoir, non plus un filtre, mais une plaque de projection de lecture où les autres pourront venir voir qu'en bas, c'est pire que pire. Autrement dit, on pourrait être capable de créer un onde de forme qui recouvrirait notre planète, un onde de forme où tous ceux qui viendraient lire là, les entités extérieures des mondes parallèles, pourraient venir dire « Oh, c'est l'apocalypse! » Sauf qui peut. Mais sa planète, c'est le paradis. Oui. Mais de l'extérieur, ils sont convaincus qu'on est en train de s'entre-déchirer, de se battre et qu'on mange de marbre. OK, mais... Ils n'iront pas ici. On l'a met toujours au petit nuage de poussière atomique en haut. Mmh. Puis ils sont contents. Comment on peut en arriver là? L'homme doit passer, il va passer de toute façon à cette phase où on créera une religion mentale. Je ne créerai pas cette religion, elle va se créer et il y aura suffisamment de bonhommes et de bonnes femmes pour pouvoir travailler là-dedans. Cette religion mentale, elle va évidemment être contrôlée dans une certaine forme par les hommes et les femmes nouveaux. Nouvelle. C'est-à-dire qu'on sera capable, l'homme sera capable, d'instruire dans le monde de la mort des néotypes, c'est-à-dire des formes de pensée neuves, comprenant l'intelligence de ne pas aller crier dans tout l'univers que nous sommes puissants. Si tu ne te prends pas au sérieux, pas de danger. Tu apprendras à faire ta grand boîte. Et lorsque chacun d'entre les humains ici sont capables, je vais y revenir, lorsque l'homme nouveau va être capable de créer cette néotype, il va lentement placer une espèce de mensonge planétaire. On est régi par le mensonge cosmique, c'est con, puis il est temps que ça cesse. On a eu ce mensonge cosmique pour apprendre toutes les conneries. À un moment donné, l'homme aura cette possibilité de se connecter, et ça sera son tour de mettre des conneries pour instruire les caves qui ont instruit l'homme du mensonge cosmique. La gang de cons, il y a pas seulement notre planète où il y a des êtres qui sont en phase disons, d'évolution descendante. Parce que l'humanité a vécu une phase d'évolution extrêmement descendante. Des bonhommes comme ceux qui sont ici, là, ils rencontraient des entités puis ils parlaient avec eux autres. Ça fait des belles lurettes qu'on n'en voit plus. Parce que l'humain était plus haut. Donc, il avait la possibilité d'entrer en contact avec des parties célestes plus hautes. Mais plus il se densifiait, plus il obscurcissait ce ciel, parce que lorsqu'il baissait, il savait pourquoi il venait, mais une fois qu'il rentre dans le trou, il se rappelle plus. Là, il veut partir. Si c'est suffisamment densifié, ben évidemment, on lui dit de rester là. Qu'un jour, à la fin des temps, on va venir le chercher. Que les 800 millions de milliards d'humains vont pouvoir vivre sa planète. Parce qu'il est ses pieds. La résurrection des morts. On va sortir des tombeaux. T'sais, ceux qui sont brûlés, ben... Je sais pas, en tout cas. Faut que le vent pousse dans la même direction pour ramener les cendres. Hein? Ils sont répandus dans la mer et tout et tout. C'est ça, bon. En tout cas, ce serait pas beau quand même. La mer va se lever, en tout cas. La mer va se lever, oui, avec les personnes qui sont dedans. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, donc, l'être humain souffre. Chaque humain est assujetti à ce karma. Et le karma, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes formes de karma, on l'a vu dans différentes conférences. Il y a le karma individuel, celui que tu devras porter seul, qui est seulement limité au filtre que tu te dois de t'imposer pour ne pas voir clair. Élimine ce karma et fous-toi du reste. Nécessairement, tu es en phase d'évolution ascendante majeure. Si tu as trop d'ego, nécessairement, tu pourras être assujetti à Satan, qui te obligera à mettre du karma en haut de toi. C'est-à-dire qu'ayant trop d'ego, si tu n'es pas suffisamment égoïsé, tu te prendras au sérieux, tu feras des conneries inécologiques qui vont engendrer des souffrances, du karma en haut de toi va encore te ralentir. Bon. Ce qui arrive, c'est que là, on a donc le karma individuel, il y a le karma relatif. Ça, c'est la plus grande farce donnée à l'humain pour l'empêcher de voir clair, ça l'amène à souffrir. Le karma relatif est souvent vécu par l'homme comme étant la culpabilité. C'est pas de ta faute. Alors cesse de manger des cochonneries parce que tu penses que c'est de ta faute, ce n'est pas de la tienne. Mais tant que tu fais ça, tu souffres. Tant que tu souffres, tu mets des strates de karma en toi et nécessairement, tu comprends plus. Tu peux pas comprendre non plus. Tu souffres trop. Aime vivre. Ouais, mais là, je viens de me faire péter 4 pneus. Aime vivre. Fous-toi-en tes pneus. Tu auras l'intelligence. Parce que le pneu, c'est un peu comme si tu regardais le cochon. Il a bouffé une feuille de chou de plus! On va te tuer pareil à la fin, fait que prends-la peau, tu sais. Ça revient quasiment à ça. L'homme s'en va dans le monde de la mort, il revient sa planète, retourne dans le monde de la mort, il revient sa planète, puis s'amuse! T'es le cochon, tu le bouffes! Souvent, tu bouffes un cochon. Oh, ça se promène un peu. Ce qu'il faut donc bien saisir, c'est que lorsque l'être humain vit de cette culte, de ce karma relatif, un karma relatif, c'est-à-dire c'est un karma qui est relatif à ce que vous voulez bien vivre. La honte, la peur, la gêne, la timidité, la ceci, la cela. Karma relatif! C'est une farce! Qui est très relatif à tous et chacun. À chaque individu. C'est pourquoi je l'appelle karma relatif. Et ça amène l'individu à ne pas être capable de voir. Ouais, mais là, ça fait 3 ans là, que je veux, là, ça marche pas, là! Je comprends plus! Je peux pas comprendre, c'est pour autant que tu broyes. Pas comprendre! Oui, mais ça n'a aucune intelligence, ça va de soi, tu peux plus comprendre. Trouve le monde beau. Pas philosophiquement, dis pas « et que c'est beau ». Non, cesse de dire « et que c'est laid ». C'est tout. Oui, parce que sinon, ça devient aussi un autre film. Oui, ferme ta boîte. C'est bon, c'est bon, lâche pas. Alors, notre bonhomme, notre bonne femme, lorsqu'il est capable ou lorsqu'elle est capable... De commencer à s'en foutre, tu sais, je le fais souvent, c'est amusant, tu sais, de s'en foutre, en tout cas. Lorsqu'il est capable de s'en foutre, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, c'est pas correct, faudrait plus le refaire. C'est en plein sens, faisons-le plus. Choque-toi pas, gueule pas, crie pas! Fais 3 fois qu'il recommence, petit maudit! Ben oui, fais comme si c'était la première fois, soit, puis trouve le moyen qu'il comprenne l'intelligence de pas recommencer. Gueule ça, pas. C'est le fun. C'est le fun pour l'enfant parce que c'est pas chicané. Sauf que tu élimines ce phénomène. Je vais me donner un exemple. L'enfant, c'est une conférence dimanche sur l'enfant nouveau, puis c'est mauditement important de comprendre cela. Chicane un enfant, fais-le souffrir. Fais-toi de chicane, tu le culpabilises, tu lui dis que tu l'aimes plus, etc. Tu sais, là, paquet de phénomènes d'ignorance au niveau de la pédagogie. L'enfant souffre. Souffrant, il va être assujetti à ce que vous lui demandez. Mais souffrant, il se met des strates en haut, puis qu'il comprendra pas. Il va le faire le ménage pour te faire plaisir. Et quand il va vivre tout seul chez eux, ça va être bordel. Il n'aura pas compris. Alors, si tu es patient, puis tu y répètes, puis il le fait pas, c'est pas grave. Hey, il comprend pas. Il peut pas comprendre. Il va venir. Si tu le programmes, il n'aura pas plus compris, mais tu ne sauras plus. Il va le faire. Et chez ça va. Il sait pas pourquoi, mais il le fait. Il y a un gâteau à la fin. C'est une carotte. Et biscuit pour chien. Bon, il sait pas pourquoi, mais il le fait. S'il comprend, c'est plutôt l'éducateur, le temps qu'il comprenne, sauf que l'évolution d'un enfant qu'on laisse comprendre, elle est lente. En maudit, on bûche pas dedans. Elle est lente. Mais plus il comprend, plus ça se fait vite. Tandis que celui qu'il faut que tu bûcheras toute ta vie. Parce qu'il comprendra pas. Alors, c'est très important qu'on n'induise pas la souffrance et le karma relatif, qui est la plus grosse haute strate de souffrance que vous vivez. Ben, il est temps de commencer à observer les choses et ne pas se prendre au sérieux pis à commencer à vivre en s'amusant. On va éliminer ça. Elle dit, oui, mais ça fait 2 semaines, là, ça a rien changé. Tu n'es pas de même. Tu n'as éliminé un peu, mais tu sais, attends un peu. L'humain, c'est tout de suite. Tu te prends au sérieux, mon petit. Tu te prends au sérieux, tu en remets. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va, pis tu vois de plus en plus clair. Puis ça s'en va, puis tu vois plus clair. Puis plus tu vois, plus ça part. Puis à un moment donné, tu es capable d'instruire quelque chose en haut pour qu'on te foute la paix à terre, puis pour qu'on risque pas de venir te dire « Hey, t'évolues! Je suis Dieu, machin chouette! Et je suis venu pour toi! » Donne-y un bon coup de pied au derrière. Puis dis d'aller voir ailleurs. Celui qui commence à monter, c'est pas long qu'il y ait une entité farfelue des mondes parallèles de l'intelligence extérieure de la planète Terre qui vient lui dire que c'est lui. Passe par la porte d'en bas. Pas par la porte d'en haut. Ça, je la conserve. Tu veux te fusionner à moi, pas de problème. Couché. Ah ouais, probation! Pendant un an ou deux. Ils pourront pas le supporter, il est pas assez évolué. Ah, même s'il se dit, tu sais, ah ouais, mais moi, je suis trop supérieur pour aller. Il sort. Très supérieur. La roche est plus évoluée que toi, elle est capable de faire ce que tu peux pas faire. Donc, l'humain qui élimine ses phases de souffrance, son karma à lui, évolue. Éliminer les souffrances, ça serait intéressant de revenir à la deuxième partie. Par la deuxième partie, on revient là-dessus. Vous avez des questions sur n'importe quoi, vous les posez. Évidemment, sur le sujet, vous vous gênez pas. Et puis, pour pas trop gagner le souffle, écrivez lisiblement. Alors, je vous laisse à Mario. Merci, Daniel. Donc, on compte sur vous pour...